Les chutes. Bien. Bien, bien. Oh non, c'est lui, hein. Ouais. Le borgne. Ratis. Deux gnomes au milieu d'un pont sur un chariot. Alors... Oui, la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi... Ouais... C'est vous qui bouchez les galeries, non? Quelle étrange idée! Vous essayeriez pas de nous emmener quelque part, non? Vous osez pas parler? Menez-nous à Wash City! On dirait qu'on... On s'est un peu perdu dans vos putains de galeries. Jamais! Jamais de la vie, vous m'entendez, Ratis! Jamais on vous mènera nulle part! Ça y est, t'ouvres la bouche enfin, toi. Je... Booz! Je sais pas quoi faire, moi! Je sais pas quoi faire, il nous pousse la sortie! Solo, lâchez prise. Lâchez Rosencraft. Je l'ai vu remonter à la surface en souriant. Quoi? Où est Squeak? Qu'est-ce que tu fous dans l'eau, toi? Solo, je tombais, je flottais, je ne sentais plus rien. Plus mes jambes, ni mes bras, ni ma tête, ni... Juste une lumière. Une grande lumière blanche qui m'enveloppait. Une lumière aveuglante, chaude, réconfortante. Et des voix. Et quoi, toi? Bah, Fouish, et toi? Vous êtes mort, Squeak. Il est mort. On n'y peut rien. Un coup, il a pas pu mourir. Son cœur ne va plus. Alors, on a perdu sa petite princesse, Squeak. Jamais je te laisserai prendre ce qui me reste de liberté, Ratis. Des images, des immenses pylônes, bruns, des mousses, des... Grand plafond bleu et des animaux blancs sans visage qui flottent. L'air. Ouais, les vaches, man, le trip. Allez, on décolle, vieux. Accroche-toi, je t'emmène au 7e ciel. Bien, tout à l'heure, bien sûr. Toutes les chauves-souris sont comme toi. Chauves-souris? La guerre est inévitable pour nous maintenant que vous êtes là. Vous nous avez amené le fléau. Vous ne pouvez que nous aider à l'annihiler. C'est votre devoir. Non, abandonner. Je suis bien là, dans la chaleur. Je... Non, pas abandonner, non. Non, parce que... Il ne suffit pas d'être grand pour faire de grandes choses. J'ai rouvert les yeux. Les poumons brûlaient. De l'air. Il me fallait de l'air. Attendez. Attendez, seigneur. Je sors de l'eau et je vous raconte tout. Qu'est-ce que tu fous là? J'étais venu la chercher, elle, seigneur. C'est ma femme. Je peux la garder, hein? Une fois que vous aurez pris Wish City, elle pourrait être à moi, n'est-ce pas? T'aurais pas dû lui quitter la ville, imbécile! Ah! Mais pourquoi, seigneur Ratis? Pourquoi je... T'aurais dû rester jusqu'à ce que nous arrivions. La maladie... La maladie qui est en toi n'a pas pu se propager. Encore cette maladie? Mais non, non, je vais bien, seigneur. Je ne suis pas malade, juste un peu faible. Normal que tu sois faible, tu vas crever. Mais enfin, je... En sortant de l'eau, la seule chose que j'ai pu attraper fut le mollet de Rosencraft. J'ai tiré un coup sec pour le faire tomber à l'eau. Non, Squeak, vas-y, Booz, maintenant. C'est parti. Booz a démarré. Le chariot est parti d'un coup sec, sous le regard médusé des trois rats et de... Ratis. Je suis sorti de l'eau en tremblant. À quelques pas de moi se dressait Ratis sur ses pattes arrière. Toi! Le rail continuait derrière Ratis. Booz et Mila allaient bientôt sortir de la galerie. Squeak! Squeak! Dépêche-toi! Entre eux et moi, il y avait Ratis. Qu'est-ce que je pouvais faire, hein? Me jeter dans ses pattes? Aidez-moi, seigneur! Seigneur, je veux remonter à la surface! Je me suis jeté entre les pattes de Ratis. Mais une de ses pattes arrière m'a plaqué contre le sol. Ratis s'est retourné. Levant ses griffes, prêt à me frapper. Je sentais son œil unique me fixer. Le bruit du chariot qui s'approchait. Les rats qui grognaient. Ratis hésitait. Nos regards se sont croisés. Il hésitait. J'ai repoussé la patte qui me collait au sol et j'ai couru aussi vite que possible vers les rails. Allez! Allez! Allez, Squeak! J'ai sauté dans le chariot au passage. Les rats se ruèrent à notre poursuite. Ratis avait hésité.